suis Soli, j'aime les blondes. Je suis Eka et j'aime les brunes. Je suis Larax, j'aime les rousses. Je suis Chucky et j'aime les hommes.